Le tracteur agricole est un véhicule lent. Il est signalé par un gyrophare de couleur orange. Personne ne vient en face et personne ne me dépasse. Il est bien sûr tentant de le dépasser, mais une ligne continue me l'interdit. Je dois faire preuve de patience. Réponse B.